tous et à toutes et bienvenue sur le 89.5 de Radio Dio. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes 6 en studio, 6 pour l'épisode 2 de l'émission Bande de Films que nous avons monté avec l'association de cinéma Les 3C et le foyer Claire Vivre aujourd'hui. Et nous avons de nouvelles personnes et deux anciens de la radio déjà. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? On va commencer par le micro 1. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Isaac. Je suis du foyer Éclair Vive. Merci de nous écouter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Kamara Omar Maquet. Je suis de Éclair Vive. Thomas Rimbaud, médiateur culturel. Et je suis de nouveau au studio Radio Duo pour une session sur... Musique et cinéma. Musique et cinéma. Au programme. Ça fait un petit peu notre sommaire. Bonjour, je m'appelle Gassim. Salut Gassim. Je suis à côté à Claire Vive. Ça marche. Bonjour, maître. Je m'appelle Lion Kamara. Je viens de la Guinée-Conakry. J'habite foyer de Claire Vive. Ça marche. Ouais. Eh ben, merci en tout cas à vous d'être revenu. Ça fait plaisir. Ça veut dire que vous avez bien aimé la dernière fois. Sinon, on ne revient pas. Et puis, bienvenue à vous deux. Merci. Pour votre première émission, Isaac et Kamara Omar Maquet. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. On va commencer en musique. Ça va être un petit peu ça, le déroulé de l'émission. On parlera cinéma par la suite. Et là, je vous ai demandé de sélectionner des morceaux qui vous tiennent à cœur et que vous aviez envie de partager avec les auditeurs et auditrices. On commence par une des grandes stars de la musique africaine et du reggae mondial. Je vous propose d'écouter tout de suite un petit Tiken Jah Fakoly des familles et on va parler un petit peu de ça après. Ça a été sélectionné par Gassim. Maman, je pense à toi, je t'écris d'une 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au goût de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Zacharia, comment ça va? Dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. N'est pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, 895 Radio Dio, Tiken Jaffa Coli. Ah, c'est notre fierté. Santé, vous êtes chaud. Ouais. Ah oui. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau? Ah, parce que le morceau là, ça fait du bien pour moi. Quand j'ai écouté, ouais, ça fait du bien. Tu dis c'est notre fierté. Ouais, parce que c'est un grand chanteur en Afrique. Et oui, il est quand même écouté dans tous les pays d'Afrique, c'est un peu... Oui, oui. Tout moi, quand j'étais jeune, c'était Alpha Blondie qui était un peu comme ça, et c'est un peu la suite de Alpha Blondie quand même, Tikenja. Ouais, ouais, Alpha Blondie aussi. Mmh. Ils sont des amis. Ouais. Ouais, avec Tikenja Fakoli. Donc ça, je ne sais pas si vous savez, c'est une reprise d'un morceau de Sting, un morceau reggae déjà, qui parle normalement, c'est un Englishman in New York, donc un Anglais qui arrive à New York et qui dit « Ah, c'est bizarre d'être là dans ce pays, c'est pas pareil, c'est un peu différent, etc. Ouais. » Vous, qu'est-ce que ça vous a dit, les paroles de ce morceau-là? Moi, je pense que le morceau il est bien, mais je ne suis pas trop capé sur le son parce que je pense qu'il n'est pas de ma génération d'abord. Ouais. Tu veux dire qu'il est un peu trop vieux? Ouais, ouais, okay. Ouais. Parce que de ma génération, je n'ai pas encore trop écouté le son, mais je sais que c'est une personnalité, une grande star de la Côte d'Ivoire. On écoute souvent ses sons, on chante souvent, mais je n'étais pas trop figé sur le son de savoir ce que ça veut dire au fait. Okay. Aujourd'hui, j'ai un peu écouté le son et je pense que c'est motivant. C'est motivant pour des personnes qui vont dans tous les pays du monde. Et en fait, le message qu'il veut véhiculer, c'est que quand tu vas dans tous les coins du monde, il faut te mettre au travail. Parce qu'il disait que dans la chanson, du dimanche au dimanche, il partait au boulot, tout et tout. Bon, je vois que il incite les gens à travailler, en fait. Il incite les gens à travailler. Là, c'est quelque chose de bien. Pour réussir à s'en sortir un peu, tu ouais, veux ouais, dire ouais, ouais. Ouais, ok. Vous, qu'est-ce que ça vous dit, Gassim? Pourquoi tu l'as choisi, toi? Bon, de tout coup, moi... Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre morceau de Tikenja? Tu vois ce que je veux dire aussi? Là, il y a... Ouais. Bon, moi, quand même, je n'ai aucune idée, mais quand même, moi, j'ai aimé les musiques parce qu'il y a beaucoup de conseils dedans, quoi. Tu vois, pour les aventurer. Parce que ça, c'est pour les aventurer. Les gens qu'ils ont quitté et ils ont payé pour venir dans notre pays là, c'est pas facile pour eux là, le travail pour vivre bien, c'est pas facile quoi, tu vois. Ouais, bon, ouais. Moi quand même, j'ai aimé la musique à cause de ça, pour l'aventurer. Mmh, ça marche. Y a d'autres actions ou pas? Non? Pas spécialement? Non, non, non. Ça marche. Moi, je voulais intervenir parce que le son, c'est... Je trouve ça quand même très, très, très, très bien parce qu'il y a un côté qui me touche un peu beaucoup, c'est la pauvreté, en fait. En fait, j'ai senti un peu l'histoire de la pauvreté. Il vivait avec ses parents, à peine avoir un toit, dormir, tout et tout. Bon, ça me fait rappeler un peu de mon histoire, en fait. Ouais, ça t'a fait des échos à l'intérieur? Ouais, ouais, ouais. Ça marche, ouais. Ça marche. Et moi, ça m'a fait penser en fait à un film sur lequel j'ai emmené certains jeunes de Clairvif qui sont là ce soir, enfin qui sont là en ce moment. Donc sur le film Un petit frère de Léonore Serrail, voilà, qui n'est plus exploité aujourd'hui, mais qui a fait son petit effet à sa sortie. Et cette histoire raconte une famille composée de trois personnes, donc d'une mère qui s'appelle Rose et de ses deux enfants, Jean et Ernest, qui partent de la Côte d'Ivoire pour vivre à Paris, dans la banlieue parisienne. Et puis cette chanson qu'on a écoutée, ça m'a évoqué plein de scènes de ce film. À un moment, il parle d'oiseaux qui s'envolent. Et puis, enfin, toutes ces images-là, on les retrouve très bien dans ce film, voilà, avec une scène très belle, en fait, où sa mère est avec ses enfants dans un fast-food et ils jouent ensemble avec des petites figurines d'oiseaux en papier ou je ne sais. Mais voilà, c'est un très beau film et cette histoire voilà, m'a rappelé à quel point aussi voilà, ça porte aussi sur une histoire qui est compliquée, très difficile, une réalité. Voilà. Et ben dans ce cas, je vous propose de changer un petit peu le plan et d'écouter ce report que tu avais enregistré et qu'on a monté ici à Dio. Il y a donc la bande-annonce de ce film, Un petit frère, avec deux réactions que tu as enregistrées au Méliès avec les jeunes qui étaient dans la salle. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Voilà, ici, c'est modeste, mais on va s'arranger pour que chacun soit confortable. C'est la France, on est là pour s'aider, c'est la famille. Il faut être des champions, il faut travailler à l'école, il faut être plus fort que les autres. Et on ne pleure pas. Tu as besoin de quelqu'un. Pour toi, pour les enfants, qui s'occupent de toi. Tu t'appelles comment? Jules César. Ton nom, c'est Jules César? Oui. Mais viens, on fait une omelette. Parce que on va faire une omelette, là, ça ressemble plus à rien du tout. En quoi de la vie? Je sais pas, j'en sais rien. On prend ce qu'on veut ou bien on prend rien, je sais pas moi. On est libre. Je passe la semaine à ranger, à peine t'es là, il y en a de partout. Que je sois là ou que je sois pas là, tu m'en veux alors? Je fais comment? Maman, laisse-le, on s'en va. Jean. Ces derniers temps, ton frère a dépassé les limites. Hein. Je m'en veux parce que tu n'as pas eu de père. De père, non. Des papas, j'en ai eu plein. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Même si j'ai fait des erreurs. Tu fais de ton mieux. Bonsoir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, c'est Kone Ibrahim. Et nous avons été invités par notre éducatrice et Jennifer pour assister à un film, voilà. Et vraiment, ça fait du bien, ça fait du plaisir parce que ça nous permet de comprendre la situation des autres ici en France. Et bah, le film, ça parlait de la cohésion et ça parlait aussi de l'intégration en France, voilà. L'amour fraternel, comment il faut pouvoir se comporter dans le pays des autres. C'est tout. C'est Souma Sekou, jeune habitant au foyer Parc, ça. J'ai 16 ans. Au fait, nous sommes venus regarder un film qui est intitulé Un frère. Au fait, c'est un film réalisé par Ahmed Silla, c'est-à-dire un franco-ivoirien. Bon, le film parle de la vie d'une famille qui sont venus en France avec sa maman, avec son jeune frère qui s'appelle Ernest. Sa maman s'appelle Rose. Arrivée à Paris pour une première fois, hébergée par une membre de leur famille. Bon, leur membre de famille voulait qu'il soit avec Jules César au premier début, mais la fille, Rose, ne voulait pas être au début avec Jules César. Elle a rencontré un jeune Tunisien. Ils se sont rencontrés dans son lieu de travail. Après une semaine, deux semaines de leur relation, le jeune l'annonce qu'il doit partir à Marseille pour un travail. Bon, il a subi une déception. Après, il rencontre un autre gars qui s'appelle Mathieu. Bon, le gars habitait à Rouen. Bon, ils se sont déplacés pour partir vivre à Rouen. Voilà. Très bien. Juste pour te dire, en fait, j'en parle maintenant. Alors, le film est réalisé par une femme, Léonore Serrail. En effet, elle engage Ahmed Silla pour jouer Ernest à la fin de l'histoire qui a grandi. Ouais. Ouais. Et non, mais c'était juste pour cette précision-là. Et du coup, en fait, est-ce que ce film t'a plu? Oui, le film m'a plu parce que ça parle de l'amour d'un frère au regard de son grand frère qui s'est lancé dans les travers sociaux, l'alcool et la drogue. Finalement, sa maman l'envoie au pays pour la corriger. Radio Duo 89.5 FM. On est toujours avec Claire Vivre, Le Pax, Les 3C et Radio Dio, bande de films. Et ce petit report en direct du Méliès pour le film Un Petit Frère. On va passer tout de suite à une deuxième sélection musicale. Et cette fois, c'est toi, Lion, qui a choisi ce morceau. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, je m'appelle Lion Camara. La musique, là, j'aime beaucoup. Ouais ? Ouais. On en parle après plutôt ? On l'écoute d'abord ? Allez, c'est parti. LVDS on the beat. Sabali pata e nya e Jofem bel dave Ambe tave Jofem bel dave Giana kono ku be bambe Mwonga ni aju dewe se Kitu ju ya le titan Mwonga ni aju dewe se Kitu hasidi ya le titan Utike fenye Ju ya te mwabunu wala ama sawali Utike fenye Hasidi ya te mwabunu wala ama sawali Gagnose betagami ala de bulu matsega mo ke fe betagami ala de bulu taranga gorati era nidaramunga ma ibe kore ni mama saga nitana fo ala era nte kenna ubie nte fo mangiga sawali Kobe juru wila ni mo mo se mabagula na anga sawali Tunya kono fuite sawali mo Mo ngane ya juu dewe se kitu juu ya leite tae Mo ngane ya juu dewe se kitu hasidi ya leite tae Mutike fenye juu ya te mabuno wala anga sawali Mutike fenye hasidi ya te mabuno wala anga sawali Mo ngane ya juu dewe se Allez, Julia Dabla, Julia Mai, Julia Mai, Julia Mai. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était que ce son hein? Le son. Il parle en fait. Les gens, c'est qu'il est méchant. Le cœur là, c'est pas bon en fait. Ça, il a dit qu'il n'y a pas d'importance. Donc, si tu. Comment je dis même. Si tu fais quelque chose. Dans la vie, faut son cœur là, faut être bon quoi. Sinon, si son cœur c'est pas propre, ça donne pas l'argent ça donne rien en fait quoi. En contraire, ça peut gâter votre vie même. Et parle sur ça même. Ok. Ouais. En fait, le son, il parle beaucoup de la méchanceté des personnes qui sont méchantes avec les gens, qui ont des moyens, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas la main facile d'aider les gens. C'est que la méchanceté, ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Quand tu aides quelqu'un, toi aussi, quand tu regardes bien ta vie, c'est que toi aussi tu avances. Quand tu as l'habitude d'aider les gens, toi aussi tu avances sans te rendre compte. Mais les personnes qui sont méchants, quand ils regardent leur vie, ils n'avancent pas. C'est chanté en quelle langue du coup? En Bambara. En Bambara. Ok, ouais. D'accord. Et du coup, c'est Adjiwan. Adjiwan, oui. Tu peux nous présenter Adjiwan? Adjiwan, c'est une malienne. Ouais. Le gars, il travaille beaucoup. Ok. Le gars, là, une semaine, il peut faire 15 morceaux. Il travaille beaucoup, même fort. Okay. Il travaille fort. Moi, j'ai beaucoup aimé ce morceau. Moi, je vais le mettre en rotation sur Radio Dio. Merci beaucoup pour cette découverte, carrément. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça? Gassim, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tu connaissais déjà? Ah oui. Oui, tu l'écoutes aussi ou... Bon, ce que le gars, il a dit, c'est ça qui est important. Pour être méchant, là, ça fait rien. Dans la vie, nous tous, on va mourir. Quand il gagne un peu, il faut être gentil avec les autres. Parce que c'est comme ça, là. C'est bien. Et toi, Camara Omar Maké? Alors. Oui, c'est une musique que j'aime, mais je n'entends pas trop comme ça, mais il a dit la vérité. Si tu as quelque chose, tu dois partager, tu n'as pas le droit de garder toi seul, tu dois aider les autres. C'est ça qu'il a parlé, la méchanceté, ça ne te donne rien, quoi. Tu dois être gentil à les autres, c'est ça. Et puis, il a dit aussi, dans la vie, tout le monde, exemple là, Dieu, il travaille sur votre cœur en fait quoi. Si votre cœur là, c'est pas bon, tu peux pas avancer. Ça, c'est logique. C'est ça. Aller vers le bien pour essayer de réussir à avancer vers ce que tu veux obtenir un petit peu, ce que tu recherches, ouais. Et puis, il a dit, en tant que, tu peux, exemple là, tu peux marcher, tu peux faire, tu peux faire beaucoup de trucs, tu parles, tu es méchant, un jour tu vas mourir en fait. Donc affaire de méchant là, il n'y a pas d'importance, ça peut donner... tranquillement. Ouais. En contraire, ça peut gâter toi-même en fait quoi. Il a dit le méchant là, il n'y a pas d'importance. Ouais. Donc il faut être gentil dans la vie. Si tu es gentil, son cœur là, il est propre. Mais en contraire, tu peux pas rester derrière quoi, tu peux pas fatiguer. Ouais. Je vais te passer la parole, Isaac, mais vous avez l'impression que tous les méchants ils meurent dans ce monde? Parce que moi je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui restent en vie. Hein. Non? Oui, les personnes qui sont méchantes, ils ne meurent pas, mais quand ils regardent leur vie, ils ne sont pas comme les personnes qui sont ouvertes avec les autres. Il y a une très grande différence. Et qu'ils ont une mauvaise vie, tu veux dire? Ouais. Méchant, la différence aussi. Il y a quelqu'un, exemple là, toi tu peux venir, exemple, moi je suis, et je vais donner un exemple, moi je suis 100 euros. Tu peux dire que Lion, s'il vous plaît, prêtez-moi 1 euro ou bien donne-moi 1 euro. Je peux dire non. Ça, c'est une autre chose. Mais le cœur même là, méchant le cœur même là, ça avec ça, c'est pas pareil en fait. Oui. Si son cœur là, c'est pas propre, Billahi, tu peux pas aller devant. Ça, c'est logique. C'est-à-dire que le méchant, il n'est pas d'abord en paix avec lui-même. Parce que, exemple là, toi, tu gagnes. Tu gagnes l'argent, mais tu gagnes quelque chose, vas-tu? Ah, moi, je suis très, très, très riche. Tu es très, très riche. Voilà, tu es très, très, très riche. Ouais. Si moi-même, je vis toi-même, je voulais que toi, tu vas mourir ou bien il y a problème, toi, tu vas rentrer problème. Je vais pas être toi-même, tu es léger, en fait, quoi. Donc, ça, c'est pas bon. Thomas, ouais, tu voulais dire. Bah, je sais pas vous, mais moi, enfin, peut-être que j'abuse un petit peu, mais je trouve que c'est une belle transition avec l'autre film dont on va parler tout à l'heure. voilà, qui est Mon Crime, réalisé par François Ozon et que certains, enfin l'autre partie du groupe a vu. On va y arriver, mais en quoi tu as fait le lien avec ce film? J'ai vraiment forcé le sens. C'est le roi de la transition hein, quand même. Hein. Mais parce que dans le film, ça part, je ne spoil rien en disant ça, mais ça part d'un meurtre où une jeune femme est accusée et pourtant elle va, malgré ce meurtre là, ce personnage restera quand même profondément gentil jusqu'à la fin. Enfin, ce sera un personnage aimable jusqu'à la fin. Donc c'est un peu le contraire de, oui. De Hajiwan. Voilà. Donc okay. On revoit par ce film un petit peu les notions de bien et de mal qui sont, qui sont mélangées tout au long. Mais... Eh ben écoute, je vous propose, on va écouter la bande-annonce de ce film et puis on va en discuter un petit peu puisque il y a Isaac et Camara Omar Maké qui ont été le voir avec toi. Ouais. On se retrouve tout de suite sur le 895 de Dio. Toi une mauvaise avocate, nous devons 5 loyers. Demain nous serons à la rue. Sors-moi une bonne nouvelle. Inspecteur de la sûreté, vous aviez bien rendez-vous chez monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang-gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Bravo, ma tête. Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour mademoiselle Verdier. Encore ? Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. C'est trop de chance. Eh bien, je vous en prie. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal. Radio Dio 89.5 est le dernier film en date de François Ozon qui va nous être présenté par Thomas Détroissé. Oui, donc c'est un film que nous sommes allés voir il y a 10 jours maintenant. En fait, ce film constituerait donc le troisième film de sa trilogie, avec Potiche et 8 femmes qu'il a réalisé auparavant. C'est côté un peu plus comédie du coup. Complètement. Par rapport à ces films, les autres films qui sont quand même plus durs. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est un réalisateur quand même assez polyvalent qui a essayé tous les genres, de la comédie musicale au drame, à la comédie, comme c'est le cas pour ce film. Ce film aborde plusieurs sujets, dont cette question de bien et du mal dont j'ai voulu parler après l'écoute du morceau de Hajiwan, ouais. Oui. Mais pas seulement, voilà, c'est bien qu'il se passe dans les années 30, il interroge aussi toute la question du rapport entre les hommes et les femmes aujourd'hui, qui est une question qui est restée très moderne encore à notre époque actuelle. Du coup, vous avez été le voir. Alors, il y avait des gens de Clairvivre et du Pax quand vous y êtes allé. Alors, pour cette séance. Ouais, bah vas-y, tu peux y aller, ouais. Camara Omar Maké. Oui, on est parti regarder ce film-là, mais j'ai aimé ce film-là parce que ce film-là parle de la vérité. J'ai aimé trop. Ça me fait rire, du moins. Ouais. Tu veux dire, ça parle de la vérité, mais ça a l'air de parler aussi de mensonges un peu, non? Oui. Non? Oui. C'est ça. Ouais. Et toi, Isaac, tu l'as vu aussi? Ouais, oui. J'ai été au ciné avec les autres pour voir le film. Okay. En fait, moi, en fait, tout le film, il est bon. D'abord, le titre. Quand tu vois le titre, Mon crime, c'est quelque chose de... Ça donne envie de regarder, en fait. Mon crime. Ça t'a fait envie, toi, tout de suite, la proposition, ouais. Ouais. Tu t'es dit, ah, ok. Le film, en tout cas, il a été bon. Ça fait du bien. Il a des émotions. En tout cas, le film, il est beaucoup plaisant à regarder, à écouter. Et beaucoup de... Quand tu regardes le film, tu t'ennuies pas. Quand le film, il était fini, j'ai hâte d'envie de regarder, peut-être s'il y a une suite. Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé d'Italie il y a 2 mois, à Saint-Étienne. Ouais, oui. Donc j'imagine que c'était la première fois que vous alliez au cinéma à Saint-Étienne. Oui, c'était la première fois que j'allais au cinéma. Ok. Et est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que les gens riaient, tout ça? Comment était l'ambiance dans la salle? Ouais, l'ambiance était bon. Il était bon. Vu que nous étions des jeunes, il y avait des grandes personnes, tout le monde, ça rigolait de partout. C'était bon. Vu que le film aussi date de 1930, je crois, 30 à 35, avec la démarche des personnes, la ville de Paris, le style vestimentaire des gens, comment les gens y marchaient, comment les gens y parlaient, tout et tout. Et je crois qu'il y a une femme qui avait dit que qu'elle allait tuer son mari. Ouais. Pour être célèbre comme Madeleine, en fait. Avec le film, il est beaucoup riche en émotions, tout et tout, ça va. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir justement la France de 1930 Est-ce que vous trouvez que c'était bien fait, le côté historique, film à l'ancienne? Ouais, c'était bien fait parce que ça nous ramène un peu en arrière. Vu que nous, on n'était pas encore à cette époque, ça nous... montrer comment est-ce que la ville de Paris était jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir que les gens, ils ont travaillé avec l'évolution des choses, tout. Ouais. Oui, c'est ça, il y a un beau travail de reconstruction historique. Et d'ailleurs, j'ai lu même que la reconstruction de Paris est plutôt bonne, puisqu'ils n'ont pas fait le film à Paris. Ils l'ont tourné à Bordeaux, voilà. Donc voilà, ils ont recréé les décors et puis... La magie du cinéma. Voilà. Hein. Des fois, on est sur Mars et en fait, on est aux États-Unis. Hein. Et non, c'est très bien le décalage entre deux époques différentes, puisqu'en fait, à cette époque-là, le discours des personnages, leur jeu, l'intrigue même en fait, de cette histoire de meurtre, en fait, fait écho à notre époque tout au long du film, donc voilà, il y a ces allers-retours qui sont intéressants. Et sinon, moi je voulais discuter avec vous sur ce film en fait, et je voulais savoir, puisque tous les deux vous aviez l'air d'avoir aimé cette séance et d'avoir parfois rigolé, ouais. Et moi je voulais savoir juste à quel moment vraiment vous avez ri pour la première fois, et enfin qu'est-ce qui vous a fait le plus rire en fait, si c'est un personnage, une situation. D'abord moi c'est le style vestimentaire. Je ne m'attendais pas à voir quelque chose de comme ça, voir des gens qui s'habillaient comme ça avant. Ça, j'ai trouvé un peu rigolo. Voilà. Et moi, ça me donne un peu de rigolage. Parce que moi, le moment qu'ils sont en train de faire juger la dame, ça me fait rire. Voilà. Parce que la dame qu'elle a tué son mari, Ça me fait rire là-bas, le moment qu'elle est en train d'expliquer les choses là-bas, comment ça s'était passé. Là-bas, j'ai trouvé que ça me fait rire. Ah ouais, totalement. Mais cette scène, c'est une de mes préférées aussi. Toute la scène du tribunal, où en fait, on a face à nous une vraie actrice. En fait, ce personnage est actrice. Et là, elle nous fait vraiment, son plus beau rôle en fait devant nous, en cachant la vérité qui est son innocence. Voilà, en fait, toutes ces notions-là sont mélangées et ça a créé vraiment, une sensation particulière qui est particulièrement drôle. Et maintenant en exclu sur le 895 et radiodio.org. Eh bien, on va faire un open mic et on va offrir toute la place qu'il mérite à Lion Camara pour un freestyle en Bambara, c'est ça ? Fort, fort, Papa Lova, c'est ça. Allez, c'est parti. Yeah. Sur un instru de Tangerine Prod. Yeah. Yeah. Papa Lova, you know, santé, t'es, vous êtes chaud. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. Tiens la tige ma no gom, tiens la tige ma no gom. Wari ya mani, ngache wuli, wuli, wuli, wuli. Munu be sebela woluma nyasoro kakoma sanko emi dalendo wuli wuli fugari te juguji adom fugari te juguji adom ika ko kanake yere segeye I yere ma denwolo kagele denwolo kagele denwolo kagele bimoso segalendo bimoso segalendo farafin de segalendo am farafin de nyaninendo wuli ngache kado ke yeah ibaye segeke Iba ye nyenge kaden wolo kala mo kinigini ni manyuma ko ni wolo la kana silang ngache wuli wuli nene koro wuli wuli wuli ambe jiyan yoro mina komi bi ni wari ti bolo bang ba ti la ni wari ti bolo sali joko ti la sali koro ti la ifa obi baila iba bi baila jukungo te fuyen sida kuma te fuyen sali boronda kuma te fuyen Anga wari yini, anga wari yini, jinya siki gunye wari ye, jinya siki gunye wari ye, ni wari ti bolo ite jade, ni wari ti bolo ate finyana, ni wari ti bolo ite wole, anga wari yini, anga wari yini, me kokele finyana, ni dara labitani, na ti bolo ibesa banadilanga, ache anga wari yini, anga wari yini, anga wari yini, sebeke, sebeke, sebeke, Sebeke lauma nyasora kakoma Sanke ile sebeke bali Nima sebeke abe kila Nima sebeke abe kila Ibina de ngolo ka musofuru Ibina de ngolo ka musofuru Bang bau jigibika Bau jigibika Jokanun jigibika Sigidau jigibika Yeah, for for Papa Lova Yes You know, come in love Rastafara Yes Sante te Lion Camara, big up! On est ensemble! Big up! Ensemble! Péro! Monsieur Péro, on est ensemble! Papa Lova, fort fort! Big up! Ah, il fait son timide quand il arrive au début en studio et après là il est debout, il est chaud! Un peu! Et merci à toi, merci beaucoup! C'était trop, trop cool! Merci à vous, on est ensemble! Yes! Ciao! Radio Dio, c'est la fin de cette émission Bande de Films avec les 3C et le foyer Claire Vivre. Alors, c'est l'occasion aussi de dire un petit au revoir aux auditeurs et auditrices. Isaac Camara, Omar Maquet, Thomas, Gassim, Lion, je vous cède la parole. Si vous voulez saluer un petit peu des gens pour finir. Salut à tous, moi c'est Isaac. J'aimerais ici par le canal de la radio Dio dire merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont pris du plaisir à nous écouter. Merci pour ce moment de détente que vous nous avez offert. On aimerait passer une autre fois pour plus de choses, Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais par le canal de la radio Dio dire merci à tous nos éducateurs du foyer Claire Vive, notamment les éducateurs qui sont M. Pierrot, M. Arthur, merci aussi à Mme Dalila, M. Ibrahim, merci à M. Arthur, merci à notre éducatrice, Mme Chandra et Mme Léa pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci, au revoir à tout le monde. Tout le monde qui nous écoute à la radio Dio. On remercie tout le monde. Merci, bonne journée à tout le monde. On remercie notre éducateur, les éducatrices. On remercie tous. Merci, on a passé une bonne journée aujourd'hui, c'est super, merci. Gassim ? Merci Radio Jojo, au revoir. Bon, je remercie toutes les éducatrices, aussi les éducatrices. Donc, je remercie toutes les gens qui nous écoutaient. Bon, je remercie toutes. Bonjour la famille. Bon, on est là aujourd'hui, c'est à cause des messieurs. Je vous remercie, vous aussi. Merci, c'est cool. On est ensemble. C'était je un vous plaisir. Remercie, Frère Clairview aussi, monsieur Perrault, toutes les éducateurs. Madame Emélie, tout. On est ensemble. Nyalla Fanny, Guamino Romolo. Big up. Yes, merci Lion. Merci Lion. On aimerait dire aussi à toutes les personnes qui ont envie de suivre un film, vraiment de passer au ciné, à suivre des films au ciné, vraiment c'est quelque chose de bien, ça détend, ça fait rire et tout. Ben, c'est vraiment bon. Avec le film que moi j'ai suivi pour la première fois, qui avait pour titre Mon Crime, vraiment le film m'a beaucoup plu. J'aimerais encore être avec mes amis pour suivre d'autres programmes. Yes, bah, y aura d'autres films normalement et d'autres séances à Radio Dio. Vous aurez l'occasion de venir repartager ça avec les auditeurs et auditrices. Merci à vous quatre, en tout cas, c'était vraiment chouette. Et on va finir avec Thomas, puisque les 3C, il y a un petit peu d'actu, notamment des films que vous pourriez aller voir, puisqu'il y a deux festivals, ni plus ni moins, dans le mois d'avril. Est-ce que tu peux parler déjà peut-être du premier qui arrive? C'est le festival Tête de Mutle. Première semaine des vacances, ouais. Du coup. Ouais. Bon, alors, festival Tête de Mule, donc au Méliès, qu'est-ce que c'est le contenu, qu'est-ce que c'est le principe? Ah oui, c'est un festival jeune public, voilà, qui a lieu tous les ans depuis début des années 2000. On propose voilà, une programmation pour le jeune public, qui est une tranche d'âge assez grande, qui part de 3 à 25 ans. Mais tout le monde est convié, il y a des films aussi pour adultes, lors de soirées par exemple. Cette année, le festival Tête de Mule, voilà, se consacre aux films d'animation. Donc, la programmation est consacrée essentiellement sur les films d'animation. Donc, vous pouvez voir aussi des classiques comme Persepolis, Toy Story, mais aussi des sorties nationales. Voilà, des films qui ne sont pas encore sortis, des avant-premières, notamment L'île d'Ancadamian, voilà, qui est un film voilà assez intéressant à découvrir. On vous le propose voilà jeudi soir. Le détail de la programmation de toute façon est dans le programme du Méliès et vous avez peut-être sur internet vous site internet ou réseaux sociaux avoir un peu de repères. Notre meilleur com c'est la Gazette du Méliès ou en effet des plaquettes qu'on a distribuées un petit peu partout. C'est vrai que notre site internet, il faudrait qu'on le remette à jour. Ça marche. On misera donc sur ce journal papier qui se trouve un petit peu partout. Et à la suite de ça, fin avril, donc, il y avait un événement autour du clip vidéo, oui, cette fois. Totalement. C'est un peu nouveau voilà, cette année. C'est qu'on propose, les 3C encore, propose un festival cette fois-ci du clip vidéo qui serait le premier festival du clip à Saint-Étienne. Nous avons fait un appel à candidature à films. Aujourd'hui, voilà, on compte une vingtaine de films sélectionnés, donc qui sont à découvrir au Méliès Saint-François le week-end du 28-29 avril. Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir des artistes qui seront évidemment invités à participer à la séance, mais aussi voilà de prendre juste passer un bon moment au cinéma. Yes, et bien merci à vous, merci à Isaac, Camara, Omar, Maquet, Thomas, Gassim et Lion pour cet épisode 2. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt sur le 89.5 de Dio et radiodio.org.